Le lundi 30 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. La ville de Québec en état de choc après l'attentat terroriste qui a fait 6 morts hier soir à la mosquée de Sainte-Foy. Le CHU de Québec a annoncé que l'état de santé des blessés s'était amélioré et que les 5 personnes actuellement hospitalisées devraient s'en sortir. Parmi eux, 3 ont subi de graves blessures causées par des balles dans l'abdomen. Par ailleurs, on a appris dans les dernières minutes que la Sûreté du Québec ne suspectait plus qu'une seule personne d'être responsable de l'attentat. Alexandre Bissonnette, 27 ans, est suspecté d'être l'auteur de la fusillade. L'autre personne appréhendée hier près de l'île d'Orléans est désormais traitée comme un témoin. Et l'émotion était vive à l'hôtel de ville de Québec ce matin alors que le premier ministre Philippe Couillard et le maire de Québec Régis Labeaume ont rencontré des représentants de la communauté musulmane tout en étant informés des développements de l'enquête. Les élus ont mentionné que leur priorité était d'être à l'écoute des besoins de la communauté et de lui offrir une tribune pour s'exprimer. Régis Labeaume a fait part de sa surprise de voir que sa ville était touchée par le terrorisme. Ça nous frappe comme un train. Comment se fait-il que ça arrive à Québec? C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais quand on connaît qui on est, comment on vit, c'est quand même étonnant. Ce n'est pas seulement la communauté musulmane qui est touchée. Ce sont nous, citoyens de Québec, qui sommes tous touchés. Les mots nous manquent dans cette situation pour vous exprimer non seulement la douleur dans laquelle nous sommes, parce qu'on a perdu des hommes, des gens qui ont commencé leur vie ici, dans ce beau pays, dans cette belle ville, mais il n'y a pas de mots aussi pour exprimer toute cette solidarité qui est née. Le drame qui nous a touchés, qui a touché la société québécoise, nous a bouleversés. On est vraiment contre tout acte violent, contre n'importe qui, contre n'importe quel humain. Rappelons qu'un important rassemblement en soutien aux victimes, à leurs familles et à la communauté musulmane est prévu ce soir, 18h, sur le parvis de l'église Notre-Dame-de-Foy à Sainte-Foy. Plusieurs milliers de personnes ont déjà confirmé leur présence. À la Chambre des communes à Ottawa, les travaux reprennent aujourd'hui, mais le premier ministre Justin Trudeau a précisé qu'il donnerait un discours puis se rendrait à Québec pour assister à ce rassemblement. Enfin, l'attentat de Québec a suscité de nombreuses réactions à l'international. Le président américain Donald Trump a téléphoné à son homologue Justin Trudeau pour exprimer ses condoléances au peuple canadien. Il a aussi offert son assistance, selon le compte-rendu qu'a fait le bureau du premier ministre. Et à Paris, la mairesse Anne Hidalgo a fait savoir que la tour Eiffel serait éteinte à minuit en guise de solidarité. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec 40% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 7 aujourd'hui. Demain mardi, alternance de soleil et de nuages, moins 8. Mercredi, neige intermittente, maximum de moins 7. Présentement à Québec, on a de belles éclaircies et il fait moins 10 degrés présentement, moins 18 avec le refroidissement éolien.